السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hier on a pris un درس très important، مهم جدا، وهو التفريق بين الإرادتين ومن ضمنها المشيئة. On a pris hier la différence qui est entre les deux volontés. الإرادة. On a dit que الإرادة الكونية, celle qui est la volonté universelle et qui n'est pas liée à ce que Allah Azza wa Jal il aime ou pas. Et cette إرادة, cette volonté, elle a forcément lieu. Et on l'appelle également المشيئة. C'est ce que Allah Azza wa Jal a voulu et qui a forcément lieu. Qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. Ce n'est pas ce que Allah Azza wa Jal a voulu que c'est produit, qui était irrévocable, que forcément il aime. Et l'autre irada qu'on a appris, l'autre volonté, c'est al-shal'iyya diniya. C'est la volonté liée à la législation et à la religion. Et celle-ci n'a pas forcément lieu, mais Allah il aime forcément. Comme, mathalan, l'islam, des gens. L'obéissance à Allah Azza wa Jal. Allah, il aime qu'on lui obéisse, il veut qu'on lui obéisse, mais pourtant, la plupart des gens ne le font pas. D'accord ? Donc, celle-ci n'a pas forcément lieu. Et dans celle-ci, il n'y a pas de Mashi'a. Le Mashi'a, c'est que l'autre. Irada al-Kawniya. Naam. J'espère que ça a été acquis, un minimum. يقول اليوم في السؤال الثاني والخمسين بعد المئة 152 question. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ Que signifie la parole du Nabi صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit que le bien est entièrement dans tes deux mains et que le mal ne te revient pas? مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وكل شيء. Alors que Allah Azza wa Jal a créé toute chose, le bien comme le mal. Donc comment se fait-il qu'on ne peut pas lui attribuer le mal ? معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث إضافة اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه. فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل يدع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هو هي معلومة عند عنده سبحانه وتعالى. Donc ça veut dire que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous du bien pur. D'accord ? Lorsque Allah azza wa jal est décrit par ses actes et qui proviennent de lui, qui ne contiennent aucun mal. Car Allah azza wa jal, il est juste. D'accord ? Et Allah azza wa jal, il est bon. Et qui met les choses à leur place. Obligatoirement. وَمَا كَانَ فِي النَّفْسِ الْمَقْدُورِ مِنْ شَرٍ فَمِنْ جِيَةِ إِضَافَتِهِ إِلَى الْعَبْدِ لما يلحقه من المهالك وذلك بما كسبت يدها جزاها وفاقا. Mais en ce qui concerne la chose décrétée en elle-même, son déroulement, alors cela peut être un mal lorsque ceci est attribué à la créature pour ce qu'il peut en subir comme dommage. À savoir que cela n'est que le fruit de ce qu'il aura accompli. Cela n'est que le fruit. Ce que le serviteur est touché et qu'il voit comme étant un mal, qui lui nuit, cela n'est que le fruit de ce qu'il aura accompli. Comme encore le Ta'ala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Que rien ne vous a atteint comme malheur, si ce n'est pour ce que vos mains ont accompli, et il pardonne beaucoup. Ash-Shura, verset 30. Regardez bien. Allah Azza wa Jal dit que le mal qui nous touche n'est que le fruit de nos actes, ce sont les conséquences de nos actes, donc à la base on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, et malgré cela il dit « وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ » qui pardonne beaucoup, c'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on subit, subhanallah. Comme encore là, « وَلَوْ يُوَخِذُ اللَّهُ نَاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّ وَلَكِنْ يُوَخِذُهُمْ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّ » Il a dit dans le sens, Allah, que si il prenait les gens pour l'injustice qu'ils ont commise, il ne laisserait sur terre aucun animal. Mais cependant, il leur laisse un échelon un moment déterminé. Regardez, si Allah Azza wa Jal devait nous prendre pour le mal qu'on a fait, il n'y aurait plus d'être sur terre. وَكَمَا قَالَ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Que si jamais que ton Seigneur est le pardonneur détenteur de la miséricorde, et si jamais il devait prendre les gens pour ce qu'ils ont commis, il leur aurait précipité le châtiment. Mais cependant, un rendez-vous les attend et ne sauront trouver aucun refuge. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la pierre noire, qu'à la base c'était une pierre, c'était une pierre du paradis qui était encore d'une blancheur plus éclatante que celle du lait. Cependant, elle a été noircie à cause des péchés des fils de Adam. Donc tout ce que l'on voit sur terre, que les gens se plaignent et que les gens veulent condamner, il faut qu'ils sachent que cela vient d'eux-mêmes. Il vient d'eux-mêmes. Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Allah s'est interdit l'injustice. Yabna Adam, inni haramtu al-zulm ala nafsi, wa ja'altu baynakum harama fala tazalamu. Ô fils d'Adam, que je me suis interdit à moi-même l'injustice. Et je l'ai rendu interdit entre vous. Alors ne vous lésez pas les uns les autres. Wa ma'Allah bi-zalamin lil-ibad. Et que Allah n'est pas injuste envers les créatures, les serviteurs. Abadan. Que l'injustice n'est pas parmi ses attributs. Sûrement pas. Donc tout ce qui se passe, les gens qui viendraient à se plaindre, à voir cela comme une injustice qu'ils subissent, c'est qu'eux-mêmes sont irresponsables. Et ne prennent pas compte de ce qui arrive. Et même des fois, on peut survivre le mal que d'autres commettent. Pour s'être tués sur le mal qu'ils ont fait, on pourrait rester au milieu des gens qui font du mal. Donc on subit avec eux. Et subhanallah. Donc le fait de grandement multiplier l'istighfar, de demander le pardon d'Allah Azza wa Jal, qu'on sache que l'on a fait ou pas. Mais regardez bien, sa grande miséricorde, Allah Azza wa Jal, malgré cela, il ne nous a fait atteindre que d'une partie du mal que nous avons commis, non pas tout. Sans quoi nous ne sommes même plus à l'heure qu'il est. Allahu Akbar. وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Et nous ne les avons pas lésés, mais cependant ils sont lésés eux-mêmes. Az-Zukhruf, l'ornement, verset 76. وقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Que Allah ne lèse en rien les gens, mais les gens sont lésés eux-mêmes. Yunus, verset 44. Donc le khurasa, c'est qu'Allah Azza wa Jal ne fait pas de mal. Jamais. Tout ce qu'il fait, c'est qu'un bien pur. Que l'on s'en rende compte ou pas. Et ce mal que nous, on perçoit comme étant un mal, c'est cela à notre niveau, à nous. D'accord ? Et si jamais c'est un mal pour toi, ça peut être un bien pour d'autres. D'accord ? Ça peut être un bien pour d'autres. Ou ça peut être un mal pour toi, et il maslaha amma pour bien d'autres personnes. Il ne faut pas être égoïste dans notre vision du monde. Il faut regarder loin et à grande échelle. Et comme grand exemple qu'on a en cela, l'histoire de Al-Khadir avec Moussa alayhi salam, tous les actes qu'Al-Khadir a fait qui paraissaient comme étant un mal au premier abord et qui en réalité renfermaient un grand bien derrière. Donc ce n'est pas tout ce que nous on voit qu'on juge comme étant forcément un mal au premier abord qu'il y en ait forcément un. Comme encore l'état Allah, wa asan takrahu shay'an wa khayrun lakum. Il se peut que vous ayez une chose que vous détestiez alors qu'elle est un bien pour vous, tout comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et que Allah sait, vous ne savez pas. Nous n'avons que très peu le savoir, et souvent on base nos jugements sur nos émotions, nos impressions, et non pas sur le ilm authentique. Ce qui nous rend souvent injustes, même dans nos jugements. On pense être juste, on est injuste en réalité. Et sans même s'en rendre compte, on en revient à qualifier que l'acte d'Allah Azza wa Jal est un mal, une injustice. والعياذ بالله. نعم. ثم يقول في السؤال 53 154 question. هل للعباد قدرة ومشية على أفعالهم المضافة إليهم؟ Donc maintenant, est-ce que les serviteurs ont un potentiel ou même sont dotés d'une volonté par rapport aux actes qui leur sont attribués? D'accord? Parce que les gens vont dire, bah, si on fait ce que Allah il veut, c'est que ce qu'on fait, c'est pas nous qui le voulons, c'est Allah qui le veut. Ça, c'est une des choubouates que donnent les Qadariyas, les gens qui nient le Qadar, le destin. Ou une partie du destin. Naam lil ibad qudratun ala a'malihim wa lahum mashiyatun wa irada wa af'aluhum tudaf ilayhim haqiqatan. Wa bihasabiha kullifu wa ala 'alayha yuthabun wa yu'aqabun wa lam yukallifuhum Allah illa wasi'ahum. Donc il a dit oui, le serviteur a un potentiel, une capacité sur les actes qu'il commet. Et il a une volonté également. Et les actes qu'il commet lui sont attribués à lui en réalité. Et c'est pour cela qu'il a été chargé d'agir. Et c'est pour cela qu'il sera récompensé, ou c'est pour cela qu'il sera châtié, pour ces actes qu'il aura commis lui-même. Et que Allah Azzawajal ne leur a imposé que ce qu'ils peuvent supporter. Donc, « Azbata lahum dhalika fil kitab wa sunnah wa wasafahum bihi walakinahum lagdiruna illa ala ma agdarahum allahu alayhi wa la yasha'una illa an yasha' Allah wa la yafaluna illa bija'lihi iyahum fa'ilin kama taqaddama fi nusus al-mashiyati wal-irada wal-khalq. » Et Allah Azzawajal a affirmé cela dans sa révélation, dans son livre, dans la sunnah. Et Allah Azzawajal a décrit les créatures comme étant en mesure de choisir et d'agir par eux-mêmes. Cependant, ils ne peuvent faire que ce qu'Allah Azzawajal leur a permis de faire. Par exemple, une personne veut voler. Est-ce qu'elle peut voler? Elle ne peut pas voler. S'il vole, qu'est-ce qui va se passer? Il va se tuer. Donc Allah ne t'a pas permis de pouvoir voler. D'accord? Ce genre de choses. Mais Allah t'a permis de pouvoir marcher. Donc tu marches. Et le lieu que tu choisis de te rendre, c'est toi qui l'auras choisi. D'accord? Mais c'est que Allah, Azzawajal, t'aura permis de t'y rendre. Par sa machia, qui n'aime pas forcément. D'accord? Allah, il a créé les routes. Il a créé les destinations. Donc tout cela vient par son vouloir. Mais toi, quand tu dis, par exemple, je l'ai à droite ou je l'ai à gauche, c'est toi qui as choisi. Et que ton choix n'a pu se faire que parce que Allah Azzawajal a voulu que tu fasses ce choix-là. Mais le libre arbitre, tu l'as. Tout comme l'homme peut décider de vouloir se soumettre à Allah Azzawajal et peut le refuser. Il n'a pas le droit, mais il en a le potentiel de choisir. Et si jamais il refuse, il en perd les conséquences par la suite. Non. Et Allah Azzawajal t'a donné la capacité de pouvoir agir avec ta main de saisir, avec tes jambes de marcher, avec ta langue de parler, avec tes yeux de voir, avec tes oreilles d'entendre. D'accord? Tout cela, c'est Allah qui t'a donné le potentiel de le faire. فَكَمَا لَمْ يُجِدُوا أَنفُسَهُمْ لَمْ يُجِدُوا أَفْعَالَهُمْ وَقُدْرَتَهُمْ وَمَشِيَتَهُمْ وَإِرَادَتَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ تَابِعَ لِقُدْرَتِهِ وَمَشِيَتِهِ وَفِعْلِهِ إِذْ هُوَ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ قُدْرَتَهُمْ أو خالق نعم on peut dire خالق قدرتهم أو خالق قدرتهم on peut dire les deux. وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله. Donc il a dit, cependant, comme eux-mêmes n'ont pu se trouver, faire en sorte d'être présents, leurs actes, ce n'est pas eux qui ont fait en sorte qu'ils puissent également être présents. Allah Azzawajal, est-ce qu'il a fait que l'homme a voulu que l'homme soit sur terre? Non. Tout comme Allah Azzawajal, l'homme n'est pas en mesure de pouvoir faire en sorte qu'il ait des mains pour agir, qu'il ait une langue pour parler. C'est Allah qui lui a donné tout cela. D'accord? Et le fait que la main se lève, c'est une chose qu'Allah a créée. Le fait que la main se baisse, c'est une chose qu'Allah a créée. Le fait que la main aille à droite, c'est une chose qu'Allah a créée. Tout cela sur la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est Allah qui a voulu par sa volonté Shal'iya et Diniya, que tu lèves ta main, par exemple, pour frapper un tel. Parce qu'Allah ne veut pas que tu frappes les gens. Sauf dans les cas particuliers, bien sûr. Dans les cas des sentences religieuses, ou pour se défendre, ou dans les cas où c'est permis. Là, on parle dans le jugement général. Allah a créé l'acte du coup. Mais le fait de vouloir frapper, et l'intention de frapper, ça, c'est une chose qui est dans le cœur du serviteur. C'est également une création d'Allah, Azzawajal. Car Allah l'a créé toute chose. Mais c'est le serviteur qui est responsable de l'acte qu'il va commettre. D'accord? Et cela, tout cela rentre dans cette volonté qu'Allah Azzawajal a voulu dans le Qadar, de ce qui se déroule dans son royaume. Et on a expliqué que ce qu'il a voulu n'est pas forcément une chose qu'il aime, qu'il agrée. Mais cela a lieu pour une hikmah, une sagesse. qui, en général, nous dépasse. Et notre volonté à nous est dépendante de celle d'Allah Azawajal, mais elle n'est pas sa volonté. Elle n'est pas sa volonté à lui directement. Mais elle rentre dedans. Car les actes de la créature sont créés. D'accord ? Les actes de la créature sont créés. Si jamais on dit que c'est pas créé, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres créateurs que Allah. Et ça, on en a parlé hier. Il manque encore en parler aujourd'hui. Donc les actes du serviteur lui sont attribués à lui-même. Et toi-même, tu le vois dans les réactions humaines que l'on a. Quand une personne te fait du mal, à qui tu en veux ? Une personne t'a lésé, à qui tu en veux ? Tu en veux cette personne-là. Donc tu la rends responsable de ce qu'elle a fait. Tu n'en veux pas Allah Azawajal, jamais. On n'en veut Allah subhanahu wa ta'ala, jamais. C'est pas possible, celui qui en veut Allah Azawajal, c'est un kafir. Nous, on sait que même si une chose nous a touché, et qu'elle nous attriste, qu'elle est douloureuse ou autre, nous, on sait que c'est un bien Allah Azawajal. C'est la croyance du croyant. Ce qui n'empêche pas de pouvoir en vouloir à celui qui aura commis cela injustement, parmi les créatures. قال فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة que Allah a créé l'action, d'accord, c'est-à-dire que l'action sous tous ses angles, comment la chose doit être commise, et c'est le serviteur qui a commis l'action concrètement, que Allah c'est lui qui guide et que le serviteur c'est lui qui a été guidé. Il ne s'est pas guidé par lui-même, le serviteur. Cette guidée, Allah l'a créée. Et ensuite, c'est le serviteur qui l'a choisi. Mais ça rentre encore dans quoi ? Dans la Mashiya. Allah, c'est le Hadi. C'est pas le Muhtadi. Le Hadi, c'est celui qui guide. Et le Muhtadi, c'est celui qui guidait. Donc le Hadi, c'est le créateur. Et le Muhtadi, c'est la créature. نعم يقول كذلك يدل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة وهكذا جميع تصرف الله في عباده tout comme Allah peut égarer. Allah peut égarer, mais l'égarer ça veut dire qui? Ça veut dire la créature. Et cet égarement, c'est lui qui l'aura choisi et qui l'aura causé. Mais l'égarement est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. Celui qui aura attribué au serviteur l'action, dans le fait qu'elle a l'action dans sa création, et le fait de commettre l'action, il aura mis les deux au serviteur, il aura mécru. Tout comme celui qui aura mis les deux à Allah, il aura mécru. Mais Allah a créé l'action seul, mais celui qui la commet, c'est le serviteur. D'accord ? Celui qui la commet, c'est le serviteur. Yaqul fi as-su'al al-rabi' al-khamsin ba'd al-mi'ah. 154e question. Ma jawab man qala alaysa mumkinan fi qudratillahi an yaj'ala kull 'ibadihi mu'minin wa muhtadiyin ta'i'in ma mahabbati dhalika minhum shar'a. Donc maintenant, encore une question que souvent les gens se répètent et se posent. 54e question. Que dire à quelqu'un qui dit mais n'est-il pas possible que Allah Azawajal, dans son omnipotence, fasse que nous soyons tous guidés et tous obéissants et tous qui nous aiment tous, d'accord, et cela qui nous rend dans sa volonté shad'iyya, d'accord. بلى هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. Il a dit si, c'est tout à fait possible, dans le sens où il a dit que si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. La table de service, verset 48. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Et que si Allah avait voulu, ou ton Seigneur avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Tous. Surat Yunus, verset 99. وغيرها من الآيات ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. Donc il a dit ce que Allah Azza wa Jal a décidé, Cela est l'implication justement de sa sagesse par rapport à sa seigneurie, sa divinité et ses noms et attributs. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والحافظ والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك. Celui qui dira pourquoi est-ce qu'il y a parmi ses serviteurs des obéissants et des désobéissants, des pervers et autres, des mécréants et des croyants, d'accord, et des gens par exemple sur la sunna, des innovateurs et des gens qui sont honorés, d'autres qui sont avilis et d'autres. C'est comme si on disait bah, Allah parmi ses noms il y a Al-Dar wa Nafi', celui qui nuit et celui qui profite. Al-Mu'ti wa Al-Mani', celui qui donne, celui qui retient, qui prive. Wa Al-Khafid wa Al-Rafi', celui qui rabaisse, celui qui élève. Al-Mun'im wa Al-Muntaqim, celui qui couvre de délices et celui qui se venge et autres. Alors il a des noms et ces noms impliquent des choses. Par exemple, parmi ces noms, Al-Ghafour, le pardonneur. D'accord ? Donc forcément ce nom a ce nom a une implication. Cette implication va être quoi ? De pardonner. Et pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait eu des fautes commises. Donc c'est pour cela que les serviteurs commettent forcément des fautes. Allah s'appelle le pardonneur. Allah parmi ses attributs, il y a la colère. Cette colère sur qui elle va s'abattre ? Sur des gens qui la méritent. Allah Azawajal, il aime. Cet amour devra, par implication, il devra s'appliquer. Sur qui ? Sur des gens qui le méritent. Et ainsi de suite. Donc tout cela revient à ses noms attributs. Sarwahma. D'accord ? Le feu qu'il a créé, le feu n'a pas été créé vainement. Le Jannah qu'il a créé, il n'a pas été créé vainement. Donc tout cela implique de croire en Allah Azawajal, en ses noms et attributs tels qu'on les connaît. Cela implique tout cela, qu'il faut croire en cela. D'accord ? Iblis, il existe. Ce n'est pas pour rien. Et les malakas, ils existent. Ce n'est pas pour rien. Les animaux, ils existent. Ce n'est pas pour rien. Et ainsi de suite. Mais comme on dit, il y a des choses qui nous dépassent. Belle. La plupart des choses nous dépassent. Comme encore le Ta'ala. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On n'a reçu que peu de savoir. Et l'être humain, cependant, إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. Comme il dit Allah Azawajal. Cependant, que tu vois l'être humain devenir outrancier, et il croit qu'il peut se passer, et qu'il peut tout comprendre. Il devient orgueilleux. L'être humain a compris deux, trois trucs, ça y est, il pense qu'il a tout compris. Alors qu'il est loin d'avoir tout compris. Très, très loin. Donc Allah Azawajal aurait pu guider tout le monde. Mais cela n'en parle dans sa sagesse, et il y a une raison pour cela. Et Allah Azawajal, il a des noms. Ces noms, ils sont incréés. Ils sont de lui. D'accord ? Ils sont de lui. Il y a des attributs qui sont de lui. Les attributs sont parfaits. Et cela implique des choses. Et cette implication apparaît à travers sa création. Naam. Je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter là. Il y avait une autre question qui venait derrière. Mais... j'hésite, est-ce qu'on la prend ou pas ? C'est la dernière question qu'il y a au Qadar. Tawakkal, on la prend la question, Inch'Allah. Comme ça, on aura fini tout ce qui touche au Qadar. Tayyib, Yaqul, Fissouel, Al-Khamis ou Al-Khamsin, Bardel Mia. 155e question. Ma menzilat al-Iman bil Qadar bin al-Din. Donc maintenant, quelle est la place, le statut de la foi en le destin dans la religion ? Vous le savez déjà, à la base, c'est un des piliers de la foi. D'accord ? Croire en ce Qadar. On a pris ses étapes. On a pris ce que cela implique. On a pris certaines de ses règles. Yaqul al-iman bil qadar nizam al-tawhid kama anna al-iman bil asbab allati tusil ila khayrihi wa tarjiz an sharrihi hiya nizam al-shar. Donc on dit que justement cette foi en le destin, c'est justement la structure du tawhid. C'est comme une forme de direction. Tout comme la foi en les causes qui amène vers son bien et vers le mal, ceux-là sont partis, sont l'organisation de la législation. Ça veut dire que les causes établies nous permettent d'organiser notre vie pour qu'elles soient en conformité avec la législation. Mais le qadar, c'est pareil. Il a été établi pour nous mettre en conformité avec le tawhid. وَلَنْتَظِيمْ أَمْرُ الدِّينِ وَيَسْتَقِيمْ إِلَّا لِمَنْ آمَنَ بِالْقَدَرِ وَامْتَثَلَ الشَّرَعَ كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Donc la religion ne pourra se structurer et s'organiser que pour celui qui aura cru au qadar et qui aura observé les ordres de la législation. Sans quoi la religion chez celui qui ne sera pas de la sorte, elle va s'écrouler. Tout comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ces gens qui lui ont dit « Et pourquoi ne pas nous établir sur notre livre, c'est-à-dire notre destin, et ne pas agir ?» Et il a dit « Agissez car chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. » Donc il dit « Celui qui aura renié le qadar, za'iman munafatahu al-ishar, faqad atala Allah ta'ala an ilmihi wa kudratihi, wa ja'ala al-abd mustaqillan bi'afalihi khalikan laha, fa'azbata ma'allahi. » Celui qui aura refusé le qadar, qui l'aura renié, et qui dit que cela s'oppose à la législation, c'est quelqu'un qui aura aboli Azawajel de son savoir et de son omnipotence, et qui l'aura rendu le serviteur comme étant indépendant. C'est-à-dire que le serviteur fait ce qu'il veut, comme il veut, indépendamment de la machia d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah, le créateur, le serviteur, aura créé lui-même ce qu'il fait. Donc, il aura inventé un créateur avec Allah Azawajal. Voire pire encore, il aura dit que toute créature est un créateur. Que l'animal crée ce qu'il fait. Que l'être humain crée ce qu'il fait. Que le djinn crée ce qu'il fait. Que le vent se débrouille par lui-même. Que rien n'est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça revient à ça, de renier le qadar. ومن أثبت محتجا به على الشرع محاربا له نافيا أن العبد قدرته واختياره الذي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها زعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف فقد نسب الله تعالى إلى الظلم. Donc celui qui confirme ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire qui redit le qadar et qui le combat, ou plutôt le contraire à Fouane, celui maintenant qui, dans l'extrême, dit que le serviteur ne fait rien de lui-même, d'accord, ne fait rien de lui-même, et qui n'a pas le choix, d'accord, c'est comme s'il disait qu'Allah Azawajal lui imposait ce qu'il ne peut pas faire. Comme à l'exemple de quelqu'un qui dirait, à qui on dirait à l'aveugle, Masalan, à un aveugle, d'écrire la ponctuation qui est dans le Coran. Celui qui retire au serviteur, d'accord, le fait qu'il peut choisir, qu'il a un potentiel, alors lui, il aura qualifié Allah Azawajal comme étant injuste. Et son imam en cela, son guide, c'est qui? C'est celui qui a dit, Fabima arwaitani laqudanna lahum siratak al-mustaqim. Celui qui a dit, comme tu m'as égaré, alors je vais leur obstruer ton chemin droit. Qu'est-ce qu'a dit cela? C'est Iblis. Car Iblis a fait comme si, en fait, c'est Allah Azawajal qui l'avait forcé à désobéir. Car les gens dans le Qadar, ils sont de deux sortes. T'as ceux, le Qadariya, t'as ceux qui font croire que Allah Azawajal ne contrôle pas tout, donc c'est-à-dire que le serviteur crée lui-même, qu'il a le choix, c'est-à-dire qu'il est indépendant de la machia d'Allah Azawajal. Et t'as les autres qui disent que la créature est comme la plume au gré du vent. C'est-à-dire, il ne fait rien de lui-même. C'est Allah qui fait tout. Il n'a pas le choix, il n'a aucune capacité, aucun libre arbitre. Ce sont les deux extrêmes. D'accord? Et ça, c'est la arqueda de Iblis. Lorsque Iblis n'a pas voulu se prosterner, il a dit, Fabima arwaitani, comme toi, tu m'as induit en erreur. Donc, il a remis la faute sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, mais les croyants par contre, yu'minuna bil qadar khayli wa sharlihi. Les vrais croyants, ils croient au qadar, dans son bien, dans son mal. Et que Allah a créé tout cela. Et que eux, justement, observent la législation, tant les ordres que les interdits. Et que cette législation, ils en font le point de contrôle de leur propre personne. Que ce soit apparent ou intérieur. C'est le char qui les dirige. Dans ce qu'ils font comme acte apparent et dans ce qu'ils font comme chose intérieure. C'est-à-dire, ils contrôlent leurs sentiments. Ils n'essaient pas leurs sentiments les dépasser. D'accord ? C'est pour ça que tu vois que le vrai serviteur qui a la foi pure, qui craint Allah Azzawajal, même si, mathalène, il n'y a pas la chaléra qui est appliquée, il ne volera pas. Pas par peur qu'on lui coupe la main, mais par peur d'Allah Azzawajal directement. Même s'il n'y a pas la chaléra, il ne volera pas. D'accord ? Même si il ne sera pas lapidé, il n'ira pas forniquer. En tout cas, il fera en sorte d'éviter toutes les choses qui pourra lui emmener, par peur d'Allah. Déjà de base. Et ainsi de suite. Qu'il soit dans un pays où il y a la chaléra, qu'il soit dans un pays où c'est l'anarchie, lui-même, en lui-même, se contrôlera du mieux qu'il peut par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et donc, ce croyant, il sait que an al-hidaya wa al-idlal biyadillah yahdi man yasha bi fadlihi wa yudillu man yasha bi 'adlihi. Et que ce croyant sait que cette guidée et ou cet égarement sont dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut par sa grâce et il égare qui il veut par sa justice. D'accord ? C'est par sa justice que si quelqu'un se fait égarer. Et ils sont conscients, ils ont pour profonde croyance que Allah Azawajel est le sage et que tout ce qu'il fait est mis à sa place. وقال فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولولا أن هدانا الله. Et ces mêmes croyants, ce sont ceux qui, lorsqu'ils font une bonne action, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent louange à celui qui nous a guidés pour cela et que nous n'aurions pas été en mesure de pouvoir être guidés s'il n'avait pas voulu. Que si Allah ne nous avait pas guidés. Al-A'raf, verset 43. Donc, ce qu'on disait hier, que celui qui fait un bien, il sait que c'est Allah Azzawajal qui lui a permis de faire ce bien. Donc il le remercie. C'est le tawfiq, comme on disait hier. Et ils ne disent pas comme l'a dit Iblis, parce qu'il a dit, ou plutôt Afwan Qarun, qui était l'ennemi de Moussa alayhi salam, qui est l'équivalent de Crésus en français, qui était riche. Innama utituhu ala ilmin indi. Que c'est-à-dire que tout ce qu'il avait comme richesse, il dit, je l'ai obtenu par un savoir que j'ai. C'est-à-dire, il s'est attribué à lui-même le bienfait et non pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou ils ektarafu sayyatan qalu kama qala al-abawan, rabbana zalamna anfusana, wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Et que ces croyants, justement, lorsqu'ils font un mal, qu'ils disent, ils disent comme on dit leurs parents, qui sont Adam et Hawa. Dans le sens où Allah dit à leur sujet, notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si jamais tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous sommes du nombre des perdants. Al-A'raf, verset 23. C'est-à-dire que lorsqu'ils commettent une faute, ils savent que cela est de leur faute à eux-mêmes. Donc ils demandent pardon à Allah Azawajal. Mais ils ne sont pas comme celui qui a dit, c'est-à-dire Shaitan, Rabbi bima arwaitani. Regardez, Shaitan, il lui a dit quoi ? Comme toi, tu m'as rendu en erreur. Ça, c'était parmi les causes qui ont différencié entre Adam et Iblis. C'est que Adam a reconnu sa faute et s'est repenti. Il a reconnu qu'il a fauté par lui-même. Alors que Iblis, il a attribué la faute à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'est encore plus égaré. Ses croyances sont les mêmes lorsque un malheur les touche, ils disent qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsqu'un malheur les touche, ils disent certes nous sommes à Allah et c'est vrai que nous reviendrons. Mais ils ne sont pas comme les créants. C'est mes créants qui, lorsque un mal les touche, ils disent law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Ils disent si jamais ces gens-là avaient été avec nous, c'est-à-dire des gens qui sont partis combattre, ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas été tués. C'est-à-dire, ils remettent cela à leur savoir. Si un tel n'avait pas fait telle chose, il ne serait pas avec telle chose. On dit non. On dit, comme encore le Ta'ala, au sujet des croyants, par exemple, une personne, elle est morte, elle a pris sa voiture, elle a fait un accident, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit, nous ? On dit, qaddarallahu ma sha'a fa'al. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais ils vont dire quoi, les koufars ? On dit, mais pourquoi elle a pris cette route-là? Elle aurait dû partir à 9h, plutôt de partir à 10h. Elle aurait dû tourner à gauche, plutôt que tourner à droite. Il aurait dû. Il n'y a pas il aurait dû. C'est Qadr al-Mashafarel. Ça, c'est parmi la foi au Qadr. Maintenant, s'il y a eu une faute qui était commise, on peut dire qu'il y a eu une faute. Mais quoi qu'il en soit, on sait que cette personne-là devait mourir à ce moment-là, de cette façon-là. Qu'il avait une ceinture ou pas, qu'il était ivre ou pas, qu'il respectait le code de l'ordre ou pas, on dit qu'Allahu mashafa'il. Il devait mourir à ce moment-là, de cette façon-là. Bien que s'il est fauté, on dira, mais il a fauté quand même. En, mesalan, prenant sans interdit, en roulant trop vite, en ayant roulé, en étant ivre, et ainsi de suite, en ayant pris une voiture qui n'était pas dans les normes, qui n'avait pas de frein, par exemple. Mais on sait que ce qui est arrivé, ça devait arriver, de toute façon. Donc ça, c'est le point très important que l'auteur a cité à la fin, qui différencie le croyant, celui qui croit au destin, et le kafir, ou l'innovateur, qui le renie de façon partielle, ou celui qui le renie de façon totale, et ainsi de suite. Donc de là, on a fini ce qui touche au point lié à la foi au destin. Et ça, bi'fadlillahi ta'ala wa rahmati. Et ça, on remet le mérite à qui ? Allah subhanahu wa ta'ala également. Donc on dit alhamdulillah. Donc de là s'achève ce ders. Et inshallah, la semaine prochaine, on continuera. Et là, ce sera dans... les branches de la foi. Inshallah ta'ala. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.